Lettre 59e Agathoclès à Phocion, Nicomédie, décembre 302. Il y a bientôt 2 mois que tu n'as point reçu de mes nouvelles. Comme je jouis maintenant de quelque repos, il est juste que je l'emploie à t'écrire. Je suis arrivé ici, il y a quelques jours, avec César, Constantin et Tiridate. L'empereur m'a nommé tribun des Joviens, et je demeure chez mon père jusqu'à ce que mon logement soit arrangé dans le quartier de la garde impériale. Depuis ma liaison avec Constantin et mon nouveau titre de tribun, mon père me traite avec beaucoup de bonté. Du reste, mon existence n'a point changé, la tristesse ne m'abandonne point, et quoique je cherche à me distraire dans la société de l'aimable Calpurnie, je n'en reste pas moins dans la même situation. Son charme est détruit pour moi. Je sens tout ce qu'elle vaut, je respecte ses vertus, je reconnais le pouvoir de ses charmes. Je conviens que personne au monde ne serait plus propre qu'elle à effacer du cœur une ancienne impression. Elle a presque fait cet effet-là sur moi. Tant que je suis auprès d'elle, j'oublie ma douleur, je suis gai, animé. Mais dès que je la quitte, le prestige s'évanouit, et je sens qu'elle ne remplira jamais le vide de mon cœur, et qu'il est mort à tout bonheur dans ce monde, puisque l'esprit, les grâces, la beauté, même une préférence flatteuse pour l'amour-propre, ne peuvent le guérir. Mais je n'en cherche qu'avec plus d'empressement des consolations plus efficaces et d'une plus grande valeur. Écoute donc les motifs qui m'ont empêché de t'écrire. Tu ne peux croire que je n'eusse le plus grand plaisir de te communiquer tous mes sentiments, toutes mes idées, si je n'avais pas eu la crainte de te déplaire. C'est vraiment une situation très pénible que d'être convaincu que sur les choses les plus importantes de cette vie, on n'est pas à l'unisson avec son ami le plus cher. On tremble alors de lui dire ce qu'on est sûr qu'il désapprouvera, et de tracer des pensées si différentes des siennes. Cependant, je dois parler. Écoute l'aveu que je vais te faire, et laisse-moi me flatter, ou que je te persuaderai une fois, ou que la différence de nos opinions n'altérera pas notre amitié. Je suis chrétien, Phocion. Il y a 4 semaines, qu'en présence de plusieurs personnes respectables de ma religion, je fis ma profession de foi solennelle, en reconnaissant la vérité de ces dogmes dont j'avais depuis longtemps la plus entière conviction. Tu devais t'y attendre et je pense que cette nouvelle ne te surprendra pas, mais par égard pour mon père, je veux tenir caché ce changement aussi longtemps qu'aucune raison majeure ne m'obligera à en faire publiquement l'aveu. Je crois lui devoir ce ménagement. J'ai donc atteint le but que je me suis toujours représenté comme celui auquel tout homme doit tâcher de parvenir. J'ai trouvé la vérité, je suis d'accord avec moi-même, ma raison et mes opinions ne se font plus la guerre. Je suis assuré du but de mon existence dans cette vie et de mon sort dans la vie à venir. Le doute a disparu de mon cœur, chaque devoir se présente à moi avec clarté. Une lumière vive et pure a dissipé pour jamais toutes les illusions dont ma jeunesse fut entourée. Pour justifier autant que possible à tes yeux la conviction parfaite qui m'anime et la démarche qui en a été la suite, je vais répondre aux reproches et aux plaintes que contient ta dernière lettre que je reçus à Nisibis. Tu me dépeins avec un feu vraiment poétique le charme de la mythologie grecque et les belles images qu'elle offre au sens. Comme il t'est impossible de prouver leur mérite relativement à la conviction et à la moralité de l'homme, arrivé au point de civilisation où il se trouve à présent, tu t'efforces de leur donner au moins un sens plus relevé que celui d'une simple fiction. Tu supposes dans ces fables des choses qui n'y furent jamais, et qui n'y peuvent être reçues par un esprit comme le tien, qui n'a pas besoin de pareils faux-fuyants. Pourquoi cela, mon ami? Les fictions sur lesquelles se fondait la religion de nos aïeux étaient dans leur origine des inventions très louables et très utiles pour l'humanité telle qu'elle était alors. N'élève-t-on pas l'enfance avec des contes et des allégories? Celles-ci contenaient des vérités tirées de l'histoire naturelle, et voilées sous des images riantes et agréables, l'histoire de la Terre, de ses révolutions physiques, l'influence des saisons et des astres sur toutes les créatures, etc., etc. C'est ainsi qu'elles devinrent pour les prêtres initiés dans les mystères des symboles respectables de la nature qui produit toujours. Pour les laïcs, elles ne furent bientôt plus que des absurdes représentations d'une foule de divinités supérieures et subordonnées qui se partageaient, tantôt d'un commun accord, tantôt en se le disputant, l'empire de l'univers, et qui écartaient l'idée sublime d'un seul et unique créateur. La race humaine, en mûrissant, se trouva bientôt au-dessus de ses conceptions enfantines. Les sages commencèrent à réfléchir et la multitude à railler. Maintenant, nous en sommes venus au point qu'aucun homme, doué de jugement, ne peut plus croire à ces fables, ni y joindre des idées plus relevées. Que le cœur ne peut être entraîné par elles à un vif enthousiasme, quand même les beaux-arts s'efforceraient à l'envi d'orner les images des dieux et leurs temples de tout ce qui peut exciter les sens et plaire à l'imagination. Quel cœur éprouvera de nos jours un saint frémissement dans les temples habités par des divinités qu'on traite avec dérision? Qui sentirait quelque chose de plus en voyant une belle statue de quelque déesse du paganisme que le plaisir que donne une belle production de l'art? On admire l'artiste en méprisant l'objet qu'il représente. Et ces artistes même, où sont-ils maintenant? Il est passé l'âge des Périclès, ce printemps de l'humanité, et avec lui la fleur des beaux-arts. Ce n'est plus cette race pleine de fraîcheur et de vie qui portait dans son sein les belles images de la divinité et qui communiquait au marbre et à l'airain le feu qui remplissait et réchauffait son âme. Les cantiques des poètes sacrés seraient-ils écoutés dans les cours corrompus de tyrans sanguinaires ou de méprisables sybarites? Un empereur élevé dans les camps de légions dégénérées et sauvages entendra-t-il avec plaisir les sons harmonieux qui jadis enchantaient les augustes? Ils sont passés ces temps de prodiges, et avec eux la faculté de croire à ces fables, à ces images, et de les adorer. Croirais-tu pouvoir retenir les passions d'un adolescent en âge de puberté, avec les poèmes d'Ésope et de Phèdre? Te flatterais-tu de l'espoir de conjurer les fureurs des prétoriens révoltés par le moyen d'une fable, comme le fit jadis Ménénius Agrippa? Un nouvel âge engendre de nouvelles mœurs, d'autres hommes, d'autres besoins. Un des premiers besoins de la créature composée d'un corps et d'une âme, c'est une religion. Cette disposition se manifesta chez les peuples les plus barbares, dans les premiers âges du monde. Tout homme la porte au-dedans de lui. La nature morte ne peut leur suffire. Ils lui donnent une âme aussi, et ils adorent l'esprit créateur dont ils ont le sentiment, et ce sentiment repose plus profondément dans notre cœur que tel philosophe sceptique ou tel railleur insensible ne l'imagine. Il se montre tantôt sous la forme d'une crainte éclairée de Dieu, tantôt sous celle de l'amour du merveilleux. De là naît la superstition, la peur des revenants, la croyance aux pressentiments, aux rêves, etc. L'homme qui a en lui sa compagne immortelle, cette âme qui l'anime et dirige ses actions, cherche partout cette réunion de l'esprit et de la matière qu'il trouve en lui-même. Il préfère voir dans tout événement extraordinaire l'action d'un être supérieur, plutôt que le résultat de certaines lois froides et inanimées. Lorsqu'il croit que tout ce qui l'entoure est guidé par une puissance invisible, il ne se sent jamais seul. Les dryades, les amadryades, les nymphes des ruisseaux, les satyres, les faunes, etc. ont fui devant la voix de la raison et l'arme du ridicule, avec laquelle on épouvante presque toujours la pieuse simplicité. Ils ont fait place au sentiment de la divinité présente en tout lieu, qui habite également et dans l'obscurité des bois et dans les plaines ouvertes et riantes, qui a créé la mousse avec autant de soin et de sagesse que l'œil qui l'observe, et l'âme capable de combiner ses observations. L'unique, le tout-puissant créateur, celui qui sait tout, qui fait tout, remplit l'univers. Son souffle respire dans les zéphyrs qui nous caressent et dans les vents orageux qui purifient l'atmosphère. Sa prévoyance paternelle se manifeste dans l'instinct des animaux, dans la structure du nid des oiseaux, dans les coquilles brillantes qui peuplent le rivage des mers, ainsi que dans les semences des arbres et des plantes. Cette compensation des êtres fabuleux ne te paraît-elle pas suffisante? Pourquoi te tourmentes-tu de vouloir leur prêter une autre signification? Laisse-les s'envoler sur les ailes du temps dans les régions obscures du passé, ils ne sont plus de notre âge. Un système nouveau et bien meilleur se présente. Les hommes doivent le saisir, ou bien il saisira les hommes d'un bras puissant, car il est l'enfant de l'esprit de sagesse et irrésistible comme lui. J'ai encore à répondre à une objection. Le christianisme, dis-tu, n'est pas favorable aux beaux-arts. J'ai répondu en partie dans ce qui précède. C'est le temps où nous vivons qui ne leur est pas favorable. Il est vrai, le christianisme ne tolère pas des images ni des types de ce qui est élevé au-dessus de toute représentation et de toute conception. Les sauvages germains même ne renferment pas leur divinité dans des temples, qu'il regarde comme une enceinte bornée, indigne de tels habitants. C'est ainsi que le chrétien doit adorer son Dieu, cet être suprême, de la manière la plus pure, la plus simple et la plus sublime. Mais la roue du changement tourne sans cesse, et l'esprit humain ne s'arrête jamais. Il viendra un temps où l'impulsion de l'activité se développera en invention et en renaissance des arts. Lorsqu'après des siècles, les orages dont nous voyons les commencements se seront apaisés, lorsque tous les peuples barbares qui menacent à présent de tomber sur le monde civilisé et de détruire les lumières, les arts, les sciences et l'ordre social se seront combattus entre eux, chassés ou noyés dans leur propre sang, alors, dans l'épouvante générale, la religion seule restera debout. Ce sera elle qui conservera ce que l'homme a de plus sacré et de plus sublime, qui commandera l'humanité aux barbares, le respect à toutes les nations. Sa douce autorité balancera la sauvage tyrannie. Les sciences et les arts se réfugieront dans les portiques de ses temples, et lorsqu'enfin le repos se rétablira sur la terre fatiguée, elle fera renaître de beaux jours sur le monde régénéré, et ce bienfait ne peut s'attendre que du christianisme. Un jour viendra, Phocion, où la Grèce et l'orgueilleuse Rome, et toutes les nations civilisées, courberont la tête pour adorer le même Dieu, le Dieu de ton ami.